Bonsoir à tous. Au nom de l'équipe organisatrice des Cafés Géo, je vous remercie de votre présence et de votre fidélité aussi. Je profite avant de passer la parole à Constance et Cécilia qui présenteront la soirée. Au nom de l'UPT, je vais donc d'abord remercier les équipes, remercier aussi le Centre Social Pluriel qui nous accueille et qui nous accueille avec beaucoup d'efficacité. Et l'année prochaine, nous serons dans l'autre salle, au numéro 2. Parfois, vous avez du mal à trouver parce que c'était programmé au numéro 2, mais il y a des travaux. Et donc, nous sommes provisoirement au numéro 6, mais le provisoire a duré. Donc, excusez-nous pour tous ces inconvénients aussi. Mais l'année prochaine, nous serons au numéro 2. Également, pour ce dernier Café Géo, je voudrais vous dire que les activités de l'UPT continuent avec des conférences. Et il y a un affichage qui a été fait. Donc la prochaine conférence est une conférence droite-gauche tout à fait d'actualité d'Emmanuel Théré. Droite-gauche, quelle différence? C'est le 16 avril. Ensuite, une autre conférence avec Pierre Jox qui vient le 7 mai pour poser les problèmes de la justice sociale en France. Ces deux conférences, alors j'attire votre attention sur le problème des salles, ces deux conférences ne seront pas ici, mais au centre de vie du Sanitas, qui est en face du Palais des Sports. Bien, voilà, donc là est une autre activité que nous faisons en partenariat avec la faculté de droit, c'est la programmation lundi prochain du film Agora de Amin Abar, et c'est programmé à la faculté de droit aux deux Lyons, droit géographie, c'est le lundi 31 mars à 17h. Voilà, donc l'entrée est libre, vous venez. Pour tout ce que j'ai présenté ce soir, les entrées sont libres. Je vous laisse la parole. Bien, bonsoir. Merci d'être venus aussi nombreux pour ce dernier Café Géographique de la saison. Je voulais rapidement présenter ou rappeler à certains les associations organisatrices des Cafés Géographiques. Alors, il y a tout d'abord l'Université Populaire de Tours, qui est une association d'éducation populaire qui propose des cycles de conférences gratuites et accessibles à tous sur des thématiques larges et d'actualité. L'association Confluence, qui est l'association des étudiants en géographie de l'université de Tours. L'association ADSHS, qui s'appelait anciennement ESPACE, qui a changé de nom, qui est l'association des doctorants en sciences humaines et sociales de Tours. Et le soutien également pour ces cafés géographiques de Créville, qui est un centre de ressources électroniques sur la ville et les études urbaines, ce qui nous permet notamment l'enregistrement et la mise à disposition de tous les cafés géographiques sur le site de l'Université Populaire, sur Internet. Alors, je vais déjà vous rappeler... L'adresse du site. C'est universitépopulairetour.fr. Enfin, si on tape Université Populaire dans Google, on le trouve tout de suite. Il est sur les petits programmes aussi. Donc du coup, je vais vous rappeler ce qu'est un Café Géo. Donc c'est un moment de discussion et de débat dans lequel plusieurs intervenants sont invités à présenter les enjeux d'un sujet d'actualité. Et c'est pas du tout une conférence, les intervenants ils disposent de 20 minutes chacun pour poser les bases d'un débat et confronter ensuite les points de vue avec l'ensemble du public présent. Donc le Café Géo de ce soir, il parle sur le thème des paradis fiscaux. Donc on va essayer de comprendre ce que sont ces paradis fiscaux, dont on a beaucoup entendu parler récemment dans l'actualité. Et on va voir à quoi ils servent et si nous, ils nous concernent vraiment. Alors nous avons pour cela deux intervenants ce soir, Fabricio Macaglia et Romain Simoneau, que je vais tout de suite présenter, qui est animateur et formateur en région centre pour le Comité catholique contre la faim et pour le développement. Alors pour vous dire brièvement, il nous en dira peut-être un petit peu plus, mais c'est une ONG de solidarité internationale française qui se mobilise depuis 1961 contre les causes structurelles de la pauvreté et qui a obtenu notamment le statut consultatif auprès du Conseil économique de l'ONU. Alors, ils organisent leurs actions en trois thématiques. Le partenariat, c'est-à-dire le soutien à des projets développés au Sud, l'éducation au développement, mais également le plaidoyer, c'est-à-dire le fait d'essayer d'influencer sur les grandes décisions politiques, telles par exemple la thématique de ce soir, des paradis fiscaux. Alors, Romain Simonneau, il fait de l'éducation au développement et à la solidarité internationale, c'est-à-dire, mais il nous en dira un peu plus, qu'il forme et qu'il accompagne des bénévoles afin qu'ils interviennent auprès de publics variés sur la question des inégalités dans les pays du Nord et dans les pays du Sud. Alors, Romain Simonneau est également l'auteur d'une conférence gesticulée, il va nous en parler un petit peu plus longuement, sur le thème des paradis fiscaux. Cette conférence gesticulée a déjà été présentée 2 ou 3 fois, ou peut-être même 4 à Tours, au moins 3 fois depuis 2011. Et donc il nous propose ce soir d'introduire le sujet à partir d'un point de vue citoyen. Donc le deuxième intervenant, c'est M. Fabrizio Macaglia, maître de conférence en géographie à l'Université François Rabelais de Tours. Il est spécialiste dans les politiques publiques, autant dans leur aspect formel qu'informel, donc ce qui nous ramène au thème de ce soir sur les paradis fiscaux. Donc tout d'abord, il va définir ce qu'est un paradis fiscal avec ses fonctions. Ensuite, il va revenir sur leurs origines, en faire une sorte d'historique. Ensuite, comment ils se sont développés. Et enfin, il va nous parler des réformes actuelles. Est-ce que les paradis fiscaux existent encore ou continuent-ils d'exister sous d'autres formes ? Donc je laisse la parole à Romain Simonneau qui va commencer la soirée. Voilà, tu as 20 minutes pour nous présenter la thématique. Bonsoir. Merci d'être venus aussi nombreux. Donc je commence, il est 44. Ouais. Je vais mettre debout. Alors, voilà, comme ça je vois tout le monde. Donc je m'appelle Romain Simonneau. Ça y est, j'ai remercié tout le monde. Je vais vous parler de moi en fait, en tant que citoyen. Voilà. Et puis on va cheminer un petit peu ensemble au travers de quelques éléments de ma petite vie. Je vais commencer directement au moment où j'ai pris des études supérieures, donc je les ai faites à Tours en sociologie. Et puis je débarque dans cette grande bibliothèque que vous connaissez peut-être là, sur les Tanneurs, et puis je vois cette somme astronomique de bouquins, cette montagne de connaissances, et au fur et à mesure du temps, je me dis, mais comment ça se fait que tout ça reste joliment bien enfermé, alors que toutes ces choses-là sont d'un intérêt, je trouvais, capital pour tout le monde. Et du coup, je m'étais dit, vers la fin de mes études, mais j'aimerais bien un jour arriver à... Alors, j'en ai pas lu beaucoup hein, de tous les bouquins qu'il y a à la bibliothèque. Mais je me suis dit, ça serait quand même chouette de pouvoir faire de la vulgarisation scientifique de tous ces savoirs-là. Alors plus tard, j'ai découvert que ça se faisait déjà, en fait. Donc, j'aurais même pas pu l'inventer. Mais du coup, ça se faisait à gauche à droite. Et je me suis dit, j'aimerais bien le faire aussi. Et du coup, aujourd'hui, je suis quand même assez fier de pouvoir parler devant vous avec un micro... dans ce genre de café, quoi, parce que ça vient un peu remplir ce rêve de vulgarisation scientifique. Mais par contre, si on m'avait dit il y a 15 ans que je ferais aujourd'hui de la vulgarisation scientifique sur les paradis fiscaux, j'aurais pas cru, mais bon, comme quoi tout peut arriver. Bon, alors après les études de sociologie, en général, qu'est-ce qui nous attend ? Eh bien, plutôt le chômage. Hein. C'est pas faute d'avoir essayé de faire des choses à gauche à droite, mais bon, on m'a dit aussi un jour que bah, ouais, sociologue, c'est pas vraiment un métier en soi. Mais, soit chercheur en sociologie, soit on écrit des bouquins, mais sinon, en général, c'est excellent pour les connaissances générales. Moi, je suis là, bon, d'accord. Donc, du coup... Bon, je ne pouvais rien toucher parce que je sortais d'une autre prise d'études sur les projets de solidarité internationale, ce qui a fait que pendant un an, je postule un peu partout et je m'inscris au RMI. Alors, pour ceux qui sont plus jeunes, le RMI, c'est le RSA aujourd'hui, en fait, en gros. Il faut savoir que le RMI, à l'époque, il a été mis en place pour aider ceux qui étaient vraiment dans, un peu dans le besoin, comme moi à cette époque-là. Et c'était financé par l'ISF, donc l'impôt sur la fortune. Et je trouvais ça intéressant en découvrant, en m'inscrivant au RMI, que c'était les très riches de notre pays qui finançaient ma petite allocation qui s'élevait à pas tout à fait 400 euros par mois pour pouvoir vivre avec un logement et tout. C'était pas, c'était quand même une chouette période. Hein. C'est pas parce qu'il n'y avait pas d'argent qu'on s'amusait pas. Mais du coup, voilà, j'ai commencé à comprendre comment fonctionnait un peu le système français d'aide, d'allocation, que ce soit pour le logement, famille, chômage, etc. Et je trouvais ça intéressant. Mais je m'y suis repenché un petit peu plus tard, et je m'y suis repenché quand j'ai commencé à travailler pour le CCFD, Terre Solidaire, donc l'ONG pour laquelle je travaille depuis 7 ans maintenant. Qui, comme Cécilia le précisait, est une ONG de solidarité internationale. Moi, je bosse sur le volet France. Je bosse à former les bénévoles pour sensibiliser les publics ici aux questions d'injustice sociale et de rapport Nord-Sud. Et puis, je fais ma première année dans cette association où je découvre plein de choses, je fais plein de choses formidables. Et au bout d'un an, qu'est-ce qui m'arrive ? Avec mon 12e bulletin de salaire. Qu'est-ce que je reçois dans la foulée ? Ma première déclaration d'impôt sur le revenu. Eh oui, alors je prends la feuille, je la regarde dans tous les sens et je fais « Ah, d'accord, ok. » Alors, assemblé à ça, j'ai même sur mon... où est-ce qu'elle est ? Voilà, elle est là. On connaît bien les déclarations. Oui, n'est-ce pas, hein? Oui, donc vous voyez, je ne sais pas. Non, les étudiants, non. Alors, pour ceux qui ne savent pas encore, voilà la feuille d'en-tête. Celle-là n'est pas à remplir. Vous voyez qu'il y a des petits camemberts, là, qui expliquent en gros à quoi vont servir les sous que vous allez filer, là. Hein, bon, et puis pour ceux qui veulent savoir, c'est à peu près l'équivalent d'un mois de paye, ouais, l'impôt sur le revenu. Alors, du coup, je me suis dit, tiens, je rentre dans une nouvelle catégorie. Je rentre dans les classes moyennes. Voilà, ça y est, je m'affirme en bonne classe moyenne, je paye mon impôt. J'ai vécu des allocations du RMI pendant un certain temps. Je trouvais ça justifié de pouvoir payer à mon tour. Et puis en me renseignant, je me suis un peu informé que ben, s'il y en avait qui payaient bien au centime près et tout, il y en a d'autres qui ne payaient pas ou pas assez ou pas leur part en tout cas. Et c'est l'association pour laquelle je travaille qui me fait mettre la puce à l'oreille en fait. Parce qu'à la même époque, il y a la crise financière, donc 2008, la crise des subprimes, qui chamboule un petit peu tout au niveau financier et après au niveau de l'économie réelle. Et puis, deuxième chose, le CCFD lance sa campagne sur la lutte contre les paradis fiscaux. Et là, il y a un truc qui se déclenche dans ma tête. Parce que si je regarde plus près le camembert là, celui-ci, je vais vous le mettre en plus gros, sous une autre forme. Alors, ça commence par la fin. Voilà. Alors, ça c'est donc le camembert de à quoi servent comment, par quel biais sont récupérés les sous qui vont servir aux impôts de notre État. Donc ça, c'est sur les chiffres de 2009. Hein. Il faudrait que je les actualise un jour. Donc, j'étais déjà dans cette sphère-là, la TVA. Je crois qu'ici, on est un bon paquet à être déjà dans cette sphère-là, non ? À chaque fois qu'on achète quelque chose, on verse un petit pourcentage et ça va dans les caisses de l'État. Alors, oui, c'est un peu plus aujourd'hui, oui, vu que ça a augmenté. Donc du coup, après un an de bons et loyaux services au CCFD Terre Solidaire, je me retrouve à payer un impôt sur le revenu, ici. Depuis quelques temps déjà, je paye un impôt ici, le TIPP, qu'est-ce que c'est ? Voilà, la taxe intérieure sur les produits pétroliers. Donc à chaque fois qu'on utilise du pétrole pour une chose ou pour une autre, on tape là-dedans. Dans les autres, il y a aussi tout ce qui est taxe sur tabac, alcool, je pense qu'on a un certain nombre concernés ici, n'est-ce pas ? Et puis l'ISF, là, hein, je me suis mis là en tant que... voilà. Pour financer le RMI, DSF 1%. Et puis il y a celui-là, là, l'impôt sur les sociétés. Et donc en 2008, l'association pour laquelle je bosse, plus le contexte de crise, me fait prendre conscience qu'en fait, en France, s'il y a des mauvais payeurs au niveau des impôts, il y en a une partie non négligeable qui est ici en fait. Et aujourd'hui, la plupart des études, des bouquins qui sortent là-dessus le disent tous. Donc du coup, le CCFD Terre Solidaire se lance dans une campagne pour dénoncer l'usage abusif des paradis fiscaux auprès des sociétés multinationales. On laisse tranquille tous les Johnny Hallyday, les footballeurs, les artistes en tout genre. On ne s'occupe pas des particuliers, on va s'occuper des entreprises multinationales. En tant qu'ONG, c'était la feuille de route qu'on s'est donnée. Parfait. Alors, donc, je voulais savoir, bon, là, si je demande aux gens qui payent ici, tout le monde paye dans cette partie-là, on est d'accord, hein ? Je vais vous demander de lever la main pour ceux qui payent ici, là, tout ce qui est pétrole. Voilà. L'impôt sur le revenu, allez. Voilà. Et donc la TVA, tout le monde. Bon, alors... Le sujet des paradis fiscaux, vous le voyez bien, nous concerne tous, sans exception, et ce, depuis le plus jeune âge. Si ma maman m'avait dit qu'à chaque fois que j'allais acheter mon chausson de pomme en sortant de l'école, avec les sous qu'elle me donnait, que je participais à la constitution du budget de l'État, je peux vous dire que je me serais responsabilisé beaucoup plus vite dans la vie, quoi. Donc, aujourd'hui, mon intervention veut aussi servir cette idée-là. Voilà, c'est fait. Et du coup, ce que j'ai lu dans un des bouquins que j'ai ramené aujourd'hui, là, c'est que le fait de payer des impôts dans une société, ça revient à un adage très simple. Ce que ne payera pas Pierre, c'est Paul qui le paiera. Moi, je m'appelle Romain, j'ai pas envie qu'on me surnomme Paul. Donc, je suis pour une justice devant la fiscalité. Je suis pour que chacun paye ce qu'il a à payer, et s'il y a des règles à remettre en place, qu'on les remette en place. Mais au jour d'aujourd'hui, on a parlé sous l'ancien quinquennat beaucoup de la fraude sociale qui coûtait oh là là, 1 million d'euros à la France, c'était incroyable. Mais on a beaucoup moins parlé de la fraude fiscale qui, elle, s'entend avec plus de zéros derrière. Donc l'idée, c'était aussi un peu de remettre les choses dans l'ordre d'importance. Voilà, une petite pause. Oui, une petite pause. Petite pause musicale alors. Voilà, et écoutez bien, c'est dans le thème. Partez à la découverte de la Suisse et gagnez avec UBS un appartement de vacances pendant 2 ans. Procurez-vous la brochure, son lieu exceptionnel à découvrir et la carte à composter. Disponible dans votre agence UBS. Pour UBS. Après les États-Unis, un nouveau front s'ouvre en France. TSR. La banque est soupçonnée de fraude ou encore de blanchiment en bande organisée. 14 avril 2012. Forfait passible de 5 ans de prison et de 750 000 euros d'amende. Les enquêteurs auraient réuni des éléments accablants. UBS profitait d'événements organisés par la banque dans des golfs ou de prestigieuses salles de concert. Et la banque fournissait des directives précises à ses collaborateurs pour leur éviter de se faire pincer. Voilà, donc c'est des extraits sonores que j'ai repris de l'émission de Daniel Mermet sur France Inter, là-bas si j'y suis. Il a fait quelques émissions assez intéressantes sur les paradis fiscaux. Voilà, bon, on cite UBS, on pourrait en citer plein d'autres. Là, pas de chance, c'est tombé sur eux, j'aimais bien cette musique-là. Donc voilà. C'était pour vous faire souffler un petit peu, parce qu'on va reprendre sur un aspect un petit peu plus technique pour les 10 dernières minutes. Et puis après, Fabrizio complétera, enfin, je pense que ça va se compléter assez naturellement, en fait. C'est Fabrizio qui vous dira ce qu'est un paradis fiscal. Moi, je vais plutôt vous dire, comment toute une bande bien organisée de gens, plutôt en col blanc, font de la comptabilité à longueur de temps, gagnent des millions d'euros à faire ça, le tout pour arriver à faire des économies aux entreprises, hein, ce qu'ils appellent de manière très jolie de l'optimisation fiscale. C'est un joli mot, n'est-ce pas? Et du coup, les affaires dont on entend parler, notamment sur des entreprises comme UBS, Google, Apple, Amazon, Starbucks, et puis j'en passe pas mal, sont des affaires comme ça, où en fait on se rend compte que sur leur territoire, où elles ont leur siège social, sur le territoire où elles sont nées en général, les grandes entreprises multinationales ne payent pas vraiment d'impôts ou très peu. Souvenez-vous de Total, pour lequel la comptabilité est d'un flou total, qui empêche de savoir où est réellement produite la richesse. Alors, comment les entreprises multinationales peuvent fausser leur comptabilité en restant le plus souvent dans des procédures légales? Eh bien, rien ne vaut que la démonstration par l'exemple. Je vais vous parler d'un outil dont se sert toute cette armada d'avocats fiscalistes, de comptables en col blanc, pour arriver à faire des énormes économies d'impôts aux entreprises multinationales. Ça s'appelle les prix de transfert. Et la grande spécialité pour ces entreprises multinationales, c'est de manipuler ces prix de transfert. Alors, c'est quoi les prix de transfert? Dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, il y a une interdépendance totale entre les entreprises. Rares maintenant sont aujourd'hui les entités qui n'ont pas une emprise à l'international. Chez le fleuriste, quand vous y allez, les plantes viennent de partout. J'ai même appris récemment que des plants, les bourgeons étaient nés en Hollande, on les envoyait en Argentine où ils faisaient quelques centimètres de haut, et on les renvoie en France pour être vendus sur les marchés et dans le reste de l'Europe. Ça se passe pour les fleurs de printemps qui s'appellent les... Tous en hauteur comme ça, là. Non, c'est pas les jonquilles. Non, ça sent super bon. Ouais, les jacinthes, c'est ça, les jacinthes. Donc voilà, nos amis les jacinthes vont faire des voyages en Argentine avant d'être vendus. Donc voilà, tout est internationalisé. Et si vous voulez, aujourd'hui, dans tout le commerce international actuel, la plupart des transactions qui se font d'une entreprise à une autre se font au sein du même groupe. Elles peuvent se faire de deux manières. Soit, voilà, c'est marqué là, soit entre deux filiales d'une même société, soit entre une filiale et sa maison mère. Vous voyez un peu le schéma, une maison mère qui contrôle plusieurs sociétés. Et plutôt que tout soit ensemble aujourd'hui, on découpe, on saucissonne les activités des entreprises. 5 minutes ? Ok. Voilà, prenons un exemple précis alors. La banane. C'est assez précis, la banane, et tout le monde en mange, donc tout le monde est concerné. Alors, la banane n'est pas cultivée ici, elle est cultivée, on va dire, par exemple, au Honduras. Le trajet physique de la banane, c'est d'être planté par un cultivateur, puis d'être mis dans des paquets qui vont aller par bateau nourrir les marchés européens. D'accord ? Ça, c'est le trajet physique de la banane. Si maintenant on se plonge dans la comptabilité de l'entreprise qui fait ce commerce-là, le trajet comptable de la banane, c'est tout ce que vous voyez en pointillé, avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 étapes différentes. Toutes les étapes sont dans des paradis fiscaux, donc des paradis fiscaux en Europe et des paradis fiscaux dans les Caraïbes. Et comment on arrive, alors ça c'est le schéma d'après, voilà. Ouais, bah c'est ça. Comment on arrive à découper le prix d'une banane? Pour 1 euro de banane achetée, Vous allez avoir. C'est une étude qui est parue dans le journal The Guardian en Angleterre en 2007. 13% du prix de la banane que vous allez payer en l'achetant, 13% vont revenir au coût de production, dont 1,5% à la main d'œuvre. C'est dire si les ouvriers agricoles du Honduras sont pas chers. Hein. Alors, toute la partie de la banane un petit peu noircie, ici, montre qu'elle est malade. Et c'est ça la maladie des paradis fiscaux. C'est-à-dire que sur le prix de la banane que vous payez, il y a l'équivalent de tout ça qui va aller directement dans les paradis fiscaux, qui n'est pas déclaré comme une richesse produite soit au Honduras, ou au Costa Rica, là, pardon, c'est le Costa Rica, soit au Royaume-Uni, c'est-à-dire dans le pays d'où est originaire l'entreprise multinationale, là où elle a son siège. Et du coup, le maximum de richesse va être concentré dans cette partie-là. La manipulation des prix de transfert, c'est qu'une filiale va pouvoir revendre à une filiale à un prix qui n'est pas du tout le prix du marché. D'accord ? Ça ne sera jamais un prix juste, ça sera un prix soit sous-facturé, soit surfacturé. Et c'est là où on arrive à l'endroit le plus complexe de mon explication, c'est ce schéma. Il me reste 3 minutes pour l'expliquer, c'est ça ? Alors, une première zone, le Costa Rica, avec un régime fiscal, on va dire, normal, autour de 27%. D'accord ? L'impôt sur les sociétés est à hauteur de 27% là-bas. En Angleterre, on va dire qu'il est à peu près pareil. Vous voyez la société en Angleterre. La marque, on l'a cachée, elle s'appelle Magic maintenant. Pas très difficile de trouver dans les médias de qui on parle vraiment. Et un ensemble de filiales de Magic, une au Costa Rica, une en Grande-Bretagne, et puis plusieurs dans les paradis fiscaux. D'accord ? Donc, la filiale qui va produire les bananes va les vendre à une autre filiale du même groupe en les sous-facturant. C'est-à-dire qu'il va les vendre rien du tout. Comme ça, l'entreprise au Costa Rica, la filiale au Costa Rica va faire un petit bénéfice, B c'est bénéfice, va être imposée à hauteur de 27%, on pourrait dire que c'est gros, mais on pourrait dire que c'est normal aussi. Donc du coup, le profit total va être assez minuscule. Et donc l'entreprise, je veux dire, sa filiale costaricaine, va payer très peu d'impôts sur le pays Costa Rica. D'accord ? Par un jeu de passe-passe, tout un tas d'autres filiales vont voir atterrir de l'argent ici, parce que de l'autre côté, on va surfacturer les mêmes bananes, on va les surfacturer beaucoup plus cher en Grande-Bretagne. Ce qui fait que là, on va faire un bénéfice super important. Avec une imposition qui est ridicule, j'ai mis 8 à 18%, mais je suis très très très gentil quand je dis ça. Ce serait plutôt de 0 à 18%, avec une grande majorité de 0 à 8% de taux d'imposition dans les paradis fiscaux. On verra aussi certainement tout à l'heure que les paradis fiscaux ont chacun leur spécialité. Il ne faut pas se marcher sur les plates-bandes non plus. Donc le bénéfice va être très fort, l'imposition sur ce bénéfice va être très forte, donc le profit final va être excellent, très juteux. Et puis là, vous comprenez bien qu'on va être dans la même situation qu'ici. Je n'ai pas besoin de réexpliquer. Ça va ? Pour le moment ? Donc qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Ça veut dire que la richesse qui est créée là, qui va être récupérée là aussi quand on achète les bananes, eh bien la richesse créée va être concentrée par un astucieux jeu comptable ici, via la manipulation des prix de transfert. J'ai peut-être été un peu vite. Non, ça va ? Bon ben voilà, c'est un des outils d'optimisation fiscale qui est très très utilisé de par le monde, que ce soit pour les bananes, les missiles nucléaires, les fours à micro-ondes, etc. etc., etc. D'accord ? Donc, tout ce qui nous environne dans notre quotidien, à moitié de chance d'avoir transité dans les paradis fiscaux. Voilà. Ça va ? Et bien normalement, à partir de ce moment-là, vous pouvez me dire... Bonsoir, tout d'abord je souhaiterais remercier pour votre invitation. J'aurai un propos moins imagé que Romain, mais j'essaierai d'être aussi clair. Tout d'abord, pour commencer, on peut essayer de caractériser ce qu'est un paradis fiscal, c'est-à-dire se poser tout simplement la question, c'est quoi un paradis fiscal ? Donc très brièvement, si on veut donner une définition d'un paradis fiscal, on peut dire que c'est tout simplement un truc juridique. C'est un truc juridique. Plus, d'accord. Voilà. C'est donc un paradis fiscal, c'est on va appeler ça un truc juridique. Un truc juridique qui permet de tout simplement de faire une opération légale, qui permet donc de dissocier deux lieux. De dissocier le lieu où vous générez des bénéfices et le lieu où ces bénéfices sont soumis à imposition. Concrètement, vous, moi, globalement, on génère des bénéfices par nos revenus en France et on paye nos revenus en France. Recourir à un paradis fiscal, ça permet de générer des bénéfices en France et de payer des impôts ailleurs. Et généralement, on va chercher à payer des impôts là où on en paye le moins, bien évidemment. Donc ça sert à ça, un paradis fiscal. Donc à dissocier le lieu où on génère des bénéfices, où on génère de la richesse, et le lieu où on va donc être soumis à l'impôt. Alors essayons de préciser un peu ce qu'est un paradis fiscal. Alors, un paradis fiscal, on peut dire que c'est un État ou un territoire. C'est-à-dire un État, bon, c'est une entité juridique telle que la France, ou un territoire, c'est tout simplement un morceau, si vous me permettez cette expression, c'est un morceau d'État, c'est-à-dire un territoire d'un État. Hein. Donc c'est un État ou un territoire qui va utiliser sa souveraineté pour façonner une réglementation ou une absence de réglementation. Parce que c'est là l'enjeu. L'idée, c'est un État ou un territoire qui vont mettre en œuvre une réglementation spécifique ou bien ne pas mettre en œuvre certaines réglementations pour atteindre cet objectif de proposer à des clients étrangers de placer leur argent en étant imposé au minimum, voire ne pas être imposé. Mais c'est extrêmement rare de ne pas être imposé. Donc, si on précise, donc, un paradis fiscal, c'est donc un État ou un territoire qui utilise leur souveraineté donc, pour façonner une réglementation ou façonner l'absence de réglementation, parce qu'il y a les deux cas. Et ce façonnage de réglementation ou d'absence de réglementation s'adresse à qui ? S'adresse à des clients étrangers. Donc la Suisse est un paradis fiscal non pas pour les ressortissants helvètes, mais pour tous les ressortissants non helvètes. Voilà, ça c'est la première caractérisation, une première précision que l'on peut apporter. Ensuite, un paradis fiscal, c'est un État ou un territoire dans lequel on propose une fiscalité spécifique aux individus et aux entreprises. Voilà. Sont éligibles à cette réglementation spécifique soit des entreprises, soit des individus. Ça, c'est la deuxième caractérisation. Troisième caractérisation, c'est un paradis fiscal, c'est un État ou un territoire, de nouveau, dont les autorités publiques exercent une régulation limitée sur les activités bancaires et financières. C'est-à-dire que le principe, c'est d'avoir une réglementation, mais simultanément, c'est d'avoir une réglementation spécifique, comme on va le voir, et en même temps, une réglementation sur laquelle les autorités publiques agissent assez peu, interviennent assez peu, pour permettre à leurs banques, pour permettre à leurs centres financiers d'agir avec beaucoup plus de liberté et donc de subir le minimum de contrôle. Voilà. Donc ce sont là les trois caractéristiques d'un paradis fiscal. Alors j'aimerais préciser immédiatement que les paradis fiscaux ne sont absolument pas dans l'illégalité parce qu'ils proposent des taux d'imposition faibles ou une législation un peu contraignante. Hein. Il ne faut pas associer paradis fiscal à illégalité. Les paradis fiscaux existent de manière tout à fait légale et proposent des opérations tout à fait légales. Donc voilà, je pense qu'il faut souligner cela. C'est-à-dire qu'ils offrent tout simplement la possibilité de réaliser des opérations financières à moindre coût. C'est-à-dire que des opérations financières identiques coûtent beaucoup plus cher en France, coûtent beaucoup plus cher en Italie, coûtent beaucoup plus cher dans toute une série de pays, comparé à ce que peut proposer le Liechtenstein, le Luxembourg, Jersey ou la place londonienne. Voilà, ça c'est la caractéristique. Mais les paradis fiscaux proposent en définitive des opérations tout à fait légales, la souplesse de leur réglementation, permet de développer également des opérations illégales. Voilà. Et c'est là que l'on peut commencer à questionner le bien fondé de l'existence des paradis fiscaux. Alors, seconde question que l'on peut à présent poser. Il s'agit d'essayer de comprendre comment les paradis fiscaux ont pris autant d'importance dans le fonctionnement de l'économie mondiale. Alors, très rapidement, pour répondre à cette question, on peut dire que les paradis fiscaux existent. Les paradis fiscaux sont le produit de stratégies de développement économique. C'est-à-dire que ce sont des États qui ont décidé sciemment de développer des stratégies fiscales et des stratégies bancaires pour répondre à un besoin de développement économique et ont opté donc pour des stratégies fiscales et des stratégies bancaires extrêmement compétitives comparées aux stratégies fiscales et aux stratégies bancaires mises en œuvre par d'autres États. Autrement dit, les paradis fiscaux sont un moyen de développement économique adopté par des États ou des territoires d'États pour assurer le développement de leur économie, de même que la France, la Grande-Bretagne, la Belgique ou d'autres pays ont opté pour des politiques industrielles ou des politiques de développement de services de haut niveau. Voilà. Donc, les paradis fiscaux existent parce qu'ils ont répondu, ils sont le résultat donc, d'une stratégie de développement économique. Alors, ce qui est intéressant, c'est de regarder, quand on regarde l'émergence des paradis fiscaux et leur montée en puissance, c'est de se rendre compte qu'en définitive, les fondements des paradis fiscaux sont apparus entre la fin du 19e et le début du 20e siècle. En fin de compte, les paradis fiscaux se sont développés de manière dispersée à l'échelle mondiale. Ce sont des initiatives isolées, en quelque sorte. Et c'est ensuite un travail de mise, d'articulation de ces initiatives qui va se traduire par le développement de places fiscales et bancaires spécifiques. Alors, on peut dire qu'il y a trois fondements aux paradis fiscaux. Et ces trois fondements sont apparus à des époques différentes et dans des pays différents. Et on voit bien comment... ces innovations, on va appeler ainsi, comment ces innovations répondaient à des besoins locaux en matière de développement économique. Alors, le premier fondement des paradis fiscaux, c'est la politique du moins-disant fiscal. La politique du moins-disant fiscal, c'est-à-dire tout simplement de proposer un taux d'imposition fiscale inférieur à celui des voisins. L'idée, c'est cela. Hein. Le moins-disant fiscal, c'est d'avoir un taux d'imposition qui est inférieur à celui des voisins. Cette idée de moins-disant fiscal, c'est une invention américaine. C'est aux États-Unis, dans un petit État de la côte Est, c'est le Delaware, où cette idée de moins-disant fiscal a vu le jour. Pourquoi ? Tout simplement parce que le Delaware, qui était un petit État, a décidé de développer son économie. Or, tous les sièges sociaux, toutes les grandes entreprises qui se localisaient ne se localisaient pas au Delaware. Et donc, pour les attirer sur son territoire, le Delaware a tout simplement mis en œuvre une politique agressive, compétitive vis-à-vis des États voisins américains et a proposé une politique de moins-disant fiscal. Et c'est ainsi qu'a émergé cette idée de proposer de manière compétitive des taux d'imposition inférieurs à ceux des voisins. Le second fondement des paradis fiscaux, c'est ce que l'on appelle la résidence fictive. La résidence fictive, c'est une invention britannique. En quoi consiste-t-elle, la résidence fictive ? C'est tout simplement d'enregistrer une entreprise dans un pays et de payer ses impôts dans un autre pays. C'est ce que l'on a découvert, par exemple, très récemment, dans le cadre de commissions d'enquête, aux États-Unis et en Grande-Bretagne en particulier, avec Amazon, avec Apple et avec Starbucks. Ces trois entreprises ont permis de démontrer concrètement comment elles parvenaient à ne pas payer l'impôt, entre autres parce qu'elles étaient, étaient résidentes dans un pays, fiscalement parlant, et elles étaient enregistrées dans un autre pays d'un point de vue juridique. Voilà. C'est donc le deuxième fondement. Donc le premier fondement des paradis fiscaux est né aux États-Unis. Le second est apparu en Grande-Bretagne. Et le troisième fondement qui caractérise les paradis fiscaux, c'est celui qu'on connaît le plus, qu'on invoque le plus, c'est ce que l'on appelle le secret bancaire. Donc le secret bancaire, c'est une invention suisse. C'est une invention suisse qui est apparue dans les années 20 et 30, tout simplement parce que les années 20 et 30 sont une période de troubles politiques en Europe. Les grandes familles fortunées françaises ont peur. On entend les bruits de bottes revenir, il y a la crise économique, il y a eu la révolution de 17 bolchevique en Russie. Donc les grandes familles françaises ont peur et elles veulent mettre à l'abri leur argent. Et donc, comment vont-elles faire pour mettre à l'abri leur argent ? Eh bien, elles vont tout simplement le mettre en Suisse. Ils vont le mettre en Suisse, il suffit de passer la frontière. Et c'est dans ce contexte que la Suisse va inventer le secret bancaire. Le secret bancaire, c'est quoi? C'est tout simplement l'interdiction de dévoiler l'identité et les actifs, c'est-à-dire ce que l'on possède. Donc c'est l'interdiction de dévoiler l'identité et les actifs d'un détenteur de compte. C'est-à-dire qu'il est interdit par la loi suisse, encore aujourd'hui, de révéler, sous peine de poursuite pénale, pour la personne qui le fait, en l'occurrence le banquier, l'identité et les actifs que l'on détient en Suisse. Voilà. Donc on voit bien que, en définitive, les stratégies qui sont à l'origine des paradis fiscaux ont été développées, historiquement parlant, les stratégies à l'origine des paradis fiscaux ont été développées dans des lieux différents, à des époques différentes, entre les années 1880 et 1940, et ces stratégies ont été développées pour répondre à des demandes locales spécifiques. Alors, jusqu'aux années 60, les paradis fiscaux qui se sont développés, ce sont des refuges pour les populations les plus fortunées. Il y a quelques grosses entreprises qui utilisent également les paradis fiscaux, mais globalement, ce sont des structures très très peu utilisées. C'est à partir des années 50 et à partir des années 60 que les paradis fiscaux vont non seulement se développer leurs produits et se multiplier. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on entre dans une phase particulière qui est une phase marquée par les mouvements de décolonisation. À partir des années, fin des années 50, début des années 60, toute une série de pays accèdent à l'indépendance et ces États, gros ou petits, se trouvent confrontés à la nécessité de développer leur économie. Certains vont opter pour des stratégies industrielles classiques qui ont plus ou moins réussi, et d'autres États qui ne disposent pas de savoir-faire industriel, qui ne disposent pas de capitaux pour investir, qui ne disposent pas de matières premières. Que vont-ils faire, ces États nouvellement indépendants? Ils vont tout simplement opter pour des stratégies fiscales compétitives. L'idée qui émerge et qui va se développer, c'est d'attirer des capitaux et de les attirer au détriment des autres pour développer l'économie locale. Et c'est ainsi que les paradis fiscaux vont se développer et que va se développer également conjointement une logique de concurrence. C'est-à-dire que les paradis fiscaux regardent constamment ce que font les voisins. C'est-à-dire qu'ils regardent constamment les produits fiscaux, les produits bancaires qui sont mis sur le marché. Et l'objectif, c'est de proposer les mêmes produits ou fiscaux ou bancaires, ou des produits fiscaux ou bancaires de meilleure qualité, avec des meilleurs rendements. Et donc cette logique de concurrence, cette logique d'émulation entraîne bien entendu une concurrence très forte qui conduit à proposer des produits toujours beaucoup plus agressifs et donc à exercer par contre-coup une pression croissante sur les États qui n'optent pas pour des stratégies fiscales optimisantes comme la France par exemple. Je terminerai mon propos. Je terminerai mon propos en posant une dernière question. Quelle politique publique contre les paradis fiscaux? Alors, les premières initiatives de régulation des paradis fiscaux datent des années 90. La différence entre ce que l'on peut observer aujourd'hui et ce dont on va parler plus précisément et les années 90, c'est que tout simplement dans les années 90, l'objectif, ce n'est nullement de démanteler les paradis fiscaux, mais davantage de réglementer leurs activités. Donc, les années 90, il y a un mouvement donc, de régulation des activités des paradis fiscaux. Régulation qui a pour effet, en définitive, si on regarde de manière rétrospective, qui a pour effet d'inciter le développement des paradis fiscaux et le développement de leurs produits. Le grand tournant qui s'est produit en 2008, comme le faisait remarquer Romain, s'est produit en 2008 avec la crise financière qui a été déclenchée par l'effondrement du marché des subprimes aux États-Unis à l'été 2007. Donc, quel a été l'effet de cette crise? Eh bien, cette crise nous a révélé tout simplement l'existence de ce que l'on va appeler de poches d'opacité, à partir desquelles des opérations fortement spéculatives ont été montées, et ces opérations fortement spéculatives ont déstabilisé l'économie mondiale. En définitive, on a eu connaissance de la crise parce que des opérations très risquées ont pu être montées, et ces opérations très risquées ont pu être montées parce qu'il y avait des territoires ou des États qui permettaient le montage de ces opérations. Alors, la crise de 2008 va apparaître comme une fenêtre d'opportunité, unique dont vont se saisir les pouvoirs publics à l'échelle mondiale. L'idée, c'est compte tenu de l'importance de la crise, les pouvoirs publics prennent conscience de la possibilité de jouer un coup et de non plus uniquement réglementer les paradis fiscaux, non pas de les démanteler complètement, mais d'exercer un contrôle plus important sur leurs activités et sur leur réglementation. Alors, pourquoi les dirigeants de nos pays ont ressenti le besoin soudainement en 2008 de se saisir de ce problème des paradis fiscaux ? Eh bien, d'une part, pour apporter une réponse politique aux opinions publiques, puisque vous, moi, nous étions nombreux à nous poser des questions sur ces montages financiers complexes capables de déstabiliser l'économie mondiale, déjà d'une part. Donc l'idée était de répondre donc à cette question de la part de l'opinion publique du pourquoi en sommes-nous là ? Et puis, la seconde motivation qui a conduit les pouvoirs publics à se mobiliser et à agir au niveau international, comme ils ne l'avaient jamais fait, c'est la nécessité de renflouer les caisses des États. C'est-à-dire les caisses des États sont vides pour différentes raisons, notamment du fait de politiques fiscales mises en place à partir des années, fin des années 70, début des années 80 pour le monde anglo-saxon, États-Unis et Grande-Bretagne en particulier, plus tardivement en Europe, et en particulier en France à partir du milieu des années 90, milieu des années 90. Et donc la nécessité de renflouer les caisses passe par cette tentative de reprendre l'argent qui a été, en définitive, en quelque sorte, détourné par les paradis fiscaux. Et cela explique... C'est normal que... C'est bon. Cela explique donc toutes ces initiatives visant à agir sur les paradis fiscaux. Alors, il y a eu différents moments entre 2008 et aujourd'hui. Le moment le plus important, et je m'arrêterai là, le moment le plus important, c'est lorsque l'on a adopté ce que l'on appelle l'échange automatique de données. L'échange automatique de données a été adopté, il va entrer en vigueur le 1er janvier 2015. C'est quoi l'échange automatique de données ? Eh bien, c'est tout simplement le fait que lorsqu'un compte est ouvert à l'étranger, hein, dès lors où vous ouvrez un compte à l'étranger, l'administration fiscale du pays va être contrainte de transmettre automatiquement les coordonnées du titulaire et le montant des avoirs, des actifs sur ce compte. C'est-à-dire que l'administration française n'aura plus à demander, par exemple, à l'administration suisse combien vous ou moi on détient d'argent en Suisse, et si on détient un compte en Suisse, à partir du moment où nous aurons un compte en Suisse, l'administration fiscale suisse sera tenu de transmettre automatiquement à l'administration fiscale française le nom du détenteur, les coordonnées du compte et les avoirs ou les actifs, si vous préférez, qui sont présents sur ce compte. Alors, incontestablement, cet échange automatique d'informations, c'est la meilleure solution pour lutter contre l'évasion fiscale et pour casser le secret bancaire. Hein, ça permet de casser le secret bancaire puisque la Suisse, entre autres, est tenue de transmettre de manière automatique donc l'identité et les coordonnées des personnes qui détiennent un compte chez elles à partir du moment où ce sont des résidents non étrangers. Le problème, si c'est un bon instrument, le problème vient du fait que son efficacité dépend des documents sur lesquels s'applique l'échange automatique de données. C'est-à-dire que l'échange automatique de données ne s'applique pas sur tous les documents fiscaux ou bancaires qui sont actifs. Je m'explique. On va prendre l'exemple du Luxembourg. Le Luxembourg est un des pays européens, ce n'est pas le seul, l'Irlande le fait également, c'est un des pays européens qui signe avec les firmes multinationales, donc les très grandes compagnies, qui firment avec les firmes multinationales des tax rolling. C'est quoi les tax rolling ? Ce sont des accords fiscaux secrets. Ce sont des accords fiscaux secrets, c'est-à-dire qu'ils sont interdits par les bonnes pratiques en usage, notamment dans l'Union européenne. Ce sont des accords fiscaux secrets qui permettent aux firmes multinationales qui les signent de réduire au maximum leur imposition fiscale. Exemple, si vous prenez un exemple récent, c'est Apple. Apple déclare ses revenus en Irlande. Alors, officiellement, le taux d'imposition sur les sociétés en Irlande est de 12,5%. À titre de comparaison, le taux d'imposition des sociétés en France est de 33%. Bon, l'Irlande propose donc un taux d'imposition de 12,5%, et on comprend pourquoi Apple cherche davantage à s'implanter en Irlande qu'en France. Cependant, l'Irlande, comme le Luxembourg, signe des tax rolling, et c'est le Premier ministre irlandais qui l'a reconnu lui-même en faisant une bourde lors d'une d'un sommet à Bruxelles. Pourquoi ? Tout simplement parce que, en définitive, Apple bénéficie d'un taux d'imposition à 2% en Irlande. Donc voilà, le taux d'imposition proposé à Apple est proche de zéro. Donc on voit bien la concurrence fiscale déloyale qui existe au sein même de l'Union européenne grâce à ces accords fiscaux secrets, donc ces tax rulings. Le problème, c'est que l'échange automatique d'informations fonctionne sur les comptes des particuliers, par exemple, les vôtres, les miens, mais ne fonctionne pas sur les tax rulings. Autrement dit, le secret bancaire est remis et démantelé, effectivement, pour nos comptes bancaires les plus communs et les pratiques bancaires les plus communes, mais par contre, le secret bancaire persiste pour toute une série de pratiques bancaires et fiscales qui n'ont pas été intégrées dans ces échanges automatiques d'informations. Voilà. Qui sont les plus importants, effectivement, et c'est énorme. Est-ce que, même question, est-ce que c'est rétroactif, ce que la CIF, sur vous aussi, va devoir... un compte qui a été fermé il y a 2 ans, va être... Vous êtes concerné ? je ne suis pas consultant juridique. La Suisse a négocié avec la Grande-Bretagne. La Suisse a négocié à partir de 2008 avec la Grande-Bretagne l'Allemagne ce que l'on appelle les accords Rubik. Les accords Rubik, c'est quoi ? C'est le fait que la Suisse reconnaît que des citoyens allemands et des citoyens britanniques détiennent des comptes chez elle de manière illégale et qu'ils détiennent ces comptes et qu'ils n'ont non déclarés en Allemagne et non déclarés en Grande-Bretagne, et par conséquent se sont soustraits à l'imposition fiscale de leur État. Ces accords Rubik, c'est la première chose, reconnaissent ceci. Ensuite, ces accords Rubik prévoient que la Suisse verse par anticipation une partie des redevances fiscales que les citoyens britanniques et les citoyens allemands auraient dû verser à leur administration fiscale. En échange, la Suisse s'engage à recouvrer ces sommes auprès des résidents fiscaux allemands et britanniques. Troisième volet de l'accord Rubik, c'est ne pas dévoiler le nom de ces personnes au fisc allemand et au fisc britannique et de permettre à ces résidents fiscaux de rester en Suisse sans être inquiétés par les administrations fiscales allemandes et britanniques, la Suisse se chargeant de prélever ce que les résidents fiscaux doivent au fisc année par année à partir du moment où ces accords sont signés. Voilà. Mais les accords Rubik pour le moment sont suspendus du fait de l'entrée en vigueur au 1er janvier 2015 de l'échange automatique d'informations. Mais on voit bien comment il y a là, encore une fois, ce que je disais précédemment, un commerce de la souveraineté. C'est-à-dire que deux pays, pour la première fois, acceptent de déléguer la levée de l'impôt sur leurs propres citoyens à un État tiers au motif qu'une partie de leurs citoyens réside fiscalement dans un autre pays. En définitive, les paradis fiscaux permettent de résoudre une contradiction du monde contemporain. Ça permet de résoudre une contradiction fondamentale qui est, d'une part, le développement du principe de souveraineté. Le principe de souveraineté a accompagné la constitution de notre monde mondialisé à partir du 19e siècle. Et l'autre élément de la contradiction, c'est le développement d'une économie de plus en plus mondialisée et compétitive. Et donc les paradis fiscaux permettent de résoudre cette tension, parfois cette contradiction, entre montée en puissance de l'économie mondialisée, une économie qui est parfois déterritorialisée, et en même temps la montée en puissance de la souveraineté et comme principe régulateur structurant des relations internationales depuis maintenant un peu plus d'un siècle. Non, merci pour ces deux interventions. Ce qu'on vous propose maintenant, c'est d'ouvrir le débat. Alors, je vais vous laisser la parole. On va peut-être faire passer le micro ou parler suffisamment fort pour intervenir. Ce qu'on va vous demander, comme on est très nombreux ce soir, c'est de proposer, dans un premier temps, une question par personne afin de permettre à un maximum de gens de prendre la parole. Alors, les entreprises en question, admettons une entreprise française qui va jouer ce jeu-là, va donc pouvoir dégager plus de cash. Or, ce cash, il va être utilisé comment ? Soit en réinvestissant dans l'entreprise, soit en distribuant le cash aux actionnaires. Fait. Voilà. Or, cet argent-là va finir pas dans la poche des actionnaires français ou dans l'augmentation du capital de l'entreprise, mais en définitive, il va y avoir une redistribution d'argent sur le pays lui-même. Pas forcément sur le pays. Les actionnaires ne sont pas très français, en fait. Tous les actionnaires de Total ne sont pas français, tous les actionnaires de Apple ne sont pas américains. Non, effectivement... Non, l'idée c'est qu'effectivement une partie de l'argent qui est dégagé ainsi est redistribuée sous forme de dividendes aux actionnaires, sachant que les actionnaires aujourd'hui demandent des rendements de parfois jusqu'à 15% aux entreprises, ce qui est considérable. Donc effectivement il y a un retour vers les actionnaires, mais le problème c'est que les actionnaires ne vont pas forcément réinvestir l'argent. Et il y a en conséquence de l'argent qui est immobilisé, qui génère de l'argent parce qu'il y en a en grande quantité, mais qui n'est pas remis dans le circuit économique. Donc ça pose aussi un problème de réinvestissement de l'argent généré par les bénéfices des actions. Voilà, il n'y a pas réinvestissement. Donc l'une des stratégies, c'est aussi d'imposer plus fortement le capital pour contraindre les grands actionnaires à réinjecter leur argent dans l'économie réelle et non plus à l'immobiliser en France ou ailleurs. Parce qu'en définitive, l'argent qui est ainsi dégagé, c'est moins de rentrée fiscale pour la France, si on prend le cas de la France. C'est moins de rentrée fiscale pour la France et concrètement moins de services publics, puisque la France fonctionnant sur le principe de solidarité et de redistribution. On a vu par des grands actionnaires, les Total, Carrefour, etc., le CAC 40 en général et les autres évidemment, sont des investisseurs institutionnels, comme l'assurance, etc., réassurance, peu importe, ou les hedge funds américains, etc., qui eux ne cherchent pas à faire de l'argent pour le circuit économique réel. Au contraire, ils amassent et ils s'en servent pour leurs propres besoins qui sont aussi opaques que... Voilà. C'est vrai que les paradis fiscaux servent énormément, plus que pour les particuliers, qui sont une grosse goutte d'eau, mais petite quand même, mais servent beaucoup à toutes les multinationales qui acquièrent leur souveraineté, finalement, et par des jeux très opaques et très complexes, ils le sont de plus en plus. Et la crise de 2008, même si Barack Obama disait une petite phrase sympathique, là, il n'a pas mis en place ce qu'il souhaitait faire pour... réguler ces trucs opaques au niveau des finances et des grandes banques, etc., qui se sont encore plus enrichis depuis 5 ans, là. Et voilà, le vrai problème, il est quand même là-dessus. Et c'est vrai que le paradis fiscal, il est quand même plus sur la façon dont les grandes multinationales peuvent, avec des avocats et tout ce qu'il faut autour, faire des schémas tellement opaques qu'on ne peut pas trop les démanteler, même si on le voit, on ne peut pas intervenir également, à revoir l'égalité, non. Mais voilà, ça permet donc que ces grandes entreprises qui font des milliards, des dizaines de milliards ou plus de bénéfices chaque année puissent faire ce qu'elles veulent de leur argent et simplement redonner, le prendre du système économique réel et le mettre dans le système virtuel financier qui gère tout ou qui salope tout. Je pensais qu'on allait intervenir là-dessus parce que c'est quand même le gros paquet qui salope vraiment le monde. Et ses ressources et les gens. Ouais. Est-ce que l'on dit deux ? Non, j'adore. Oui. Question et puis éventuellement je. Oui, moi, ouais, vous avez abordé le sujet sous un angle économique principalement. Moi, je vois ça sous un angle essentiellement politique parce qu'on a ici une arme contre les démocraties. On a des gens, des entreprises qui se soustraient à la loi. À la norme juridique, c'est un dispositif ici qui leur permet de se soustraire à la norme fiscale. Et ce dispositif permet à une oligarchie financière, économique, politique, ce que vous voulez, de se soustraire à la loi qui est acceptée, imposée à tout le monde ici. Il y a des agents mobiles, des firmes multinationales, des gens qui ont la possibilité d'avoir des résidences à l'étranger, qui peuvent se profiter de ce système, alors que nous, les gens immobiles, ceux qui travaillons vivant sur un territoire et payons nos impôts sur le territoire sur lequel nous vivons, nous ne bénéficions pas, et moi je trouve ça normal, de ce dispositif. Et donc là, je trouve que c'est une arme contre les démocraties. Et quand on parle de développement, quand vous avez parlé de développement en disant que ces paradis fiscaux servaient de développement économique, moi je crois que ce n'est pas le cas. C'est un dispositif parasitaire. Parce que le développement des uns se fait au détriment des autres. Quand l'Irlande attire des investisseurs, des capitaux, des entreprises sur son territoire en proposant une fiscalité plus faible que celle des autres pays, ce ne sont pas des entreprises nouvelles, ce ne sont pas des capitaux nouveaux, des emplois nouveaux qui apparaissent, ce sont des emplois qui disparaissent ailleurs, des entreprises qui disparaissent ailleurs et qui vont se relocaliser en Irlande. Et donc on a ici une stratégie anti-coopérative, non coopérative, le développement des uns se fait au détriment des autres, alors que dans l'Union européenne, qui se proclame un espace coopératif, eh bien justement, et ça c'est vraiment dommage et j'aimerais que vous en parliez, on a au contraire le développement, la mise en place d'un système concurrentiel, de mise en concurrence des États-nations, de leur législation fiscale, de leur législation sociale, non pas seulement par les paradis fiscaux, mais aussi par la liberté de circulation des capitaux, des hommes et des marchandises, et qui fait que eh bien, cette concurrence fiscale, elle conduit à diminuer progressivement l'imposition des entreprises. Au début des années 80, les entreprises françaises pouvaient payer un taux d'imposition de 50%. Aujourd'hui, c'est un tiers. Et la plupart des pays européens connaissent le même mouvement de déclin de l'imposition des entreprises ici. Et donc, nous sommes confrontés eh bien, à l'endettement, à l'augmentation de nos impôts, et en particulier la TVA. Et donc, voilà, j'aimerais que vous évoquiez ce point ici. Alors, le cas de l'Irlande est intéressant parce que l'Irlande a connu une crise très importante, non pas parce qu'elle affichait des taux d'endettement élevés, mais tout simplement parce que son système bancaire avait fortement spéculé. Et lorsque ces spéculations se sont cassées la figure, c'est tout le système bancaire irlandais qui s'est effondré. Or, l'Irlande, en pratiquant un taux d'imposition à 12%, n'a pas suffisamment de rentrée fiscale pour restructurer son système bancaire. Donc, que s'est-il passé? Quand l'Irlande a eu cette difficulté et de voir flancher son système bancaire et d'emporter le reste de son économie, elle a fait appel à l'Union européenne. Elle a fait appel à l'Union européenne et au FMI. Partant de là, des négociations se sont ouvertes et l'un des éléments de la négociation, c'était de contraindre l'Irlande de revoir son taux de fiscalité sur les entreprises et de revoir ces fameux tax rolling, de cesser de les pratiquer parce que tout le monde sait que l'Irlande et le Luxembourg pratiquent les tax rolling. Or, l'Irlande a réussi à imposer à ses partenaires de faire recapitaliser son système bancaire à leurs frais, et de maintenir un taux d'imposition très faible sur les sociétés, et de continuer à pratiquer le tax rolling en arguant du fait que c'est sa stratégie de développement économique, et qu'on ne peut pas remettre en cause sa souveraineté, et donc sa souveraineté en termes de développement économique. Au même moment où se tenaient les négociations, Google est intervenu très judicieusement en disant « Si vous augmentez les impôts sur les sociétés en Irlande, le taux d'imposition sur les sociétés en Irlande, nous quittons l'Irlande. » Et donc Google est venu prêter en quelque sorte main forte à l'Irlande, et l'Irlande a obtenu que son taux d'imposition reste l'un des plus bas en Europe, à savoir 12%. Voilà. Alors le cas d'Irlande est intéressant parce qu'on est dans une logique, extrêmement... comment contraindre un pays, membre de l'Union européenne, à respecter des règles de coopération? Voilà, ça c'est tout un enjeu lié à la construction de l'Union européenne. Bon, ça c'est un débat à part entière qu'on pourrait avoir par ailleurs. Je voudrais continuer à répondre à votre question. Bon, il y a la question de la dérégulation de l'économie, c'est incontestable. Depuis les années, fin des années 70, début des années 80, on est dans une phase de dérégulation de l'économie, initiée notamment par la Grande-Bretagne en Europe et les États-Unis hors d'Europe. Bon, cette dérégulation de l'économie, il faut l'articuler à un autre problème, c'est la délégitimation de l'impôt. Dans les années 80, comme vous l'avez justement souligné, les entreprises payaient quelque chose comme 50% d'impôts sur leurs activités. Cette pression fiscale ne posait pas de problème. Il n'y avait pas de mouvement des pigeons, de mouvement des ceci ou des mouvements de cela. Il y avait un consensus concernant la légitimité de l'impôt, la légitimité de lever l'impôt, d'avoir un impôt élevé parce que redistributif, dans une logique, qui s'inscrivait dans une logique redistributive. Parce qu'on avait des impôts élevés pour produire des services publics de santé, d'éducation, de recherche, d'infrastructures, etc. Il y avait un consentement à l'impôt. Le problème, c'est que... Un courant s'est développé en même temps que le courant de la dérégulation de l'économie, un courant de remise en cause de la légitimité de l'impôt. On s'est mis à contester le fait de lever un impôt et d'avoir un impôt élevé. Et parmi les artisans de cette délégitimation de l'impôt, en France, il faut le reconnaître, il y a la gauche. la gauche a contribué, parce qu'elle était au pouvoir, à délégitimer l'impôt en reprenant un discours venant de la droite libérale, considérant que trop d'impôts tuent l'impôt, ce qui est parfaitement contestable si on applique un certain nombre de lectures économiques de ce schéma. Voilà. Donc effectivement, on ne peut pas dissocier des régulations d'économie de la délégitimation de l'impôt, et les paradis fiscaux s'inscrivent également dans ce contexte-là. Juste peut-être une petite référence bibliographique pour ceux qui auraient envie de lire un petit peu à la suite du Café Géo. La réflexion de Fabrizio Macaglia me fait me souvenir qu'un couple de sociologues, les Pinson-Charlot, que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui ont publié un ouvrage qui s'appelle « Le président des riches, enquête sur l'oligarchie dans la France » de Nicolas Sarkozy, ont publié un deuxième volet de cet ouvrage qui concerne l'aspect de l'oligarchie financière et économique, mais là, du côté du Parti Socialiste, pour ceux qui ont envie de continuer les lectures. Juste quelques points, effectivement, en parlant de dispositifs parasitaires, c'est même en fait un peu le corps de l'économie mondiale qui est là, en fait. Quand on parle de parasite, c'est quelque chose qui vient sur un corps. Là, c'est vraiment en son cœur, quoi, en fait. Quand on voit la masse d'argent comme je disais tout à l'heure sur le commerce intra-firme, le nombre de zut. Voilà, d'intermédiaires et de transactions, voilà, qui se font, qui passent par les paradis fiscaux. C'est assez. Moi, je voulais juste sur un point un peu historique. Pourquoi une ONG de solidarité internationale qui lutte contre la faim parle des paradis fiscaux? C'est parce qu'on s'est aperçu que c'était au cœur de tous les problèmes, en fait. On sait que l'argent, c'est le nerf de la guerre, l'argent sert à faire pas mal de choses. Et effectivement, cacher cet argent, faire des économies, les maximiser, c'est quelque chose d'assez terrible. Et notre ONG s'est focalisée sur ce problème-là parce que les ONG qu'on soutient dans les pays du Sud n'ont pas arrêté de nous remonter tout un tas de problèmes comme quoi ils ne pouvaient pas avoir la main sur la redistribution d'argent une fois que les entreprises multinationales originaires des pays du Nord venaient extraire chez elles les richesses, les ressources naturelles. J'ai pris tout à l'heure l'exemple de la banane. Il y aurait plein d'exemples à prendre comme ça. Et juste une petite note de pensée aux copains qui habitent dans le Sud. Le resserrement des taux que l'on vit ici, autour de la réduction des services publics, on parlait de l'école, des infrastructures, des exploitations agricoles, le financement de l'agriculture, les hôpitaux, tous ces services publics qui commencent un peu à tomber ici en France, en Europe. Je vous laisse imaginer ce que c'est dans des pays où déjà à la base il n'y a pas beaucoup d'argent pour tout ça. Je ne vais pas vous assommer de chiffres, mais toutes les entreprises des pays du Nord, en gros, pour schématiser, qui exploitent les richesses dans les pays du Sud, je peux vous dire, ça fait remonter un paquet de fric ici au Nord, et il est faux de dire que c'est nous qui finançons les pays du Sud, quoi. Enfin, c'est eux qui nous mettent sous sous perfusion, quoi. C'est nous qui sommes sous perfusion. Il n'y a pas de pétrole en France, il n'y a pas d'uranium, enfin, plus beaucoup, quoi. Etc. Je voulais juste faire un petit point et un petit clin d'œil pour les gens là-bas, même si effectivement on était dans le cadre d'une intervention sur l'Europe. Voilà, j'en ai fini. Et du coup, pardon, juste pour faire le lien, le CCFD a sorti une brochure sur justement l'opacité fiscale des 50 premières entreprises européennes, et donc qui là fait vraiment le lien entre ce qui se passe au Nord et au Sud. D'abord, le monsieur derrière. Moi, ça complétait un peu l'avis, et j'étais très intéressé par les deux exposés, qui étaient très bien dans un style un peu différent. Je pense que c'est bien de parler de la langue. Moi, je suis en France, alors je vais parler de la France, parce que le tax rolling, il existe en France pour les capitaux qataris. Et j'ai appris il y a 3 mois. Enfin, tout à fait au détour d'un article dans Le Monde, j'apprends qu'en fait, ils ne payent pas pour les investissements qu'ils font en France, les impôts que paye une entreprise française, même multinationale comme Total ou d'autres. C'est quand même... Il faut faire le ménage chez soi. Et ce qui était intéressant dans votre propos, c'est qu'effectivement, l'histoire des paradis fiscaux, c'est pas des paradis fiscaux, ils payent aussi des impôts, etc. C'est dans la différence que ça se joue. C'est dans l'organisation et dans les structures et dans les circulations de capitaux. Et c'était ça l'intérêt de votre système. L'intérêt de l'intervention, la version que je connais bien par ailleurs, c'était effectivement, c'est bien qu'on a un problème parasitaire en tout. Mais c'est le système qui est parasitaire. Il est dans cette application-là concrète sur les paradis fiscaux. C'est un phénomène ordonné et organisé. Et moi, l'intérêt de votre exposé, c'est d'avoir historisé, c'est d'avoir bien précisé les moments où ça se passe. Mais le système est lui-même parasitaire. Moi, l'exemple de la banane, il est excellent, parce qu'on s'aperçoit que c'est 1,5% du petit bout de la banane qui paye l'ouvrier qui produit, et quand même, la richesse, c'est la totalité de la banane. Et là, c'est là qu'il faut mesurer. Mais je peux vous assurer, pour avoir fait ma carrière dans un grand groupe, qui a un établissement ici, je ne citerai pas, parce que le problème, c'est pas de... C'est d'essayer de comprendre le mécanisme. Ben effectivement, entre la valeur qu'on paye un ouvrier aujourd'hui en France et les capitaux qui en résultent quand on a fait toute la chaîne et des fois qu'on a fait le tour du monde avec un produit, parce qu'on est capable de faire ça aujourd'hui, eh ben, je crois qu'effectivement, on a un vrai problème. Mais en Europe, le problème qu'il y a, il y a celui de l'Irlande. On peut parler de la City, on peut parler du Luxembourg, du Liechtenstein, on peut parler du Monaco. Gibraltar, Autriche. Oui, on peut aussi parler. On peut aussi parler de notre coprince d'Andorre. Oui, mais avant c'était Nicolas Sarkozy, c'est pas. Je vise pas la personne quand je dis ça, mais quand même, on continue d'endosser cette responsabilité-là. Et je crois qu'effectivement, alors, quand on parle de l'impôt, c'est vrai que moi, il y a une chose que je voulais rappeler, parce que tout ce que j'ai vu sur l'impôt, tout ce qui a été dit est très juste. On voit bien que la part de l'impôt sur le revenu qui est payé dans les ressources de l'État en France, c'est que 14%, je crois. Sur le schéma, on pourrait le réactualiser. Je pense que ça baisse encore, en pensant bien qu'un Français sur deux ne paye pas l'impôt. C'est sur le revenu, mais c'est l'impôt sur le revenu. C'est les 14% qui sont en graphique. Excuse-moi, effectivement, je n'ai pas été assez précis. Et je pense qu'effectivement, là, il y a un vrai sujet. Et puis, quand on parle de budget national, etc., le problème, c'est vrai que la délégitimisation de l'impôt telle qu'elle est intervenue est un problème bien réel. Mais en plus, aujourd'hui, quand on utilise l'impôt, qu'est-ce qu'en savent ceux qui ont contribué à le créer cet impôt, que ce soit celui de la TVA, on paye tous, c'est le plus inégalitaire de tous les impôts, et c'est pas nouveau, hein, c'est pas mieux que la Garelle à une époque. Mais je veux dire, on a un vrai problème, et je veux dire, il faudrait pas qu'on se fixe uniquement sur les points d'abcès les plus visibles. On parle de la Suisse c'est pas forcément le pire, mais ou les îles Caïmans comme avait fait Obama. Mais il faut bien essayer de comprendre l'ensemble du système, parce que ça, c'est la partie d'un tout. Il ne faudrait pas que l'arbre on cache la forêt. Voilà. Je vous propose qu'on prenne deux autres questions, et puis ensuite, on laissera les intervenants répondre. Oui, je voulais parler de la portion après. Dès qu'on a le bénéfice tenu en paradis fiscal, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que c'est dans un compte secret. Donc l'argent est bloqué. Donc on peut passer aux actionnaires dans un autre compte au paradis fiscal, mais après, qu'est-ce que l'actionnaire en fait? Alors, j'avais un copain qui travaillait en France, mais il était rémunéré en Angleterre. Mais une portion de son revenu était placée dans un paradis fiscal. Mais l'argent était bloqué. Mais il réussissait à percevoir les intérêts sur les capitaux dans le paradis fiscal, légalement. Donc, est-ce que vous pouvez décrire un petit peu plus ce mécanisme? Une dernière question, et puis on fait les réponses. Alors là, la troisième question est celle-ci, c'est-à-dire que face à ce problème, on évoque justement l'autre problème, comment faire payer les multinationales qui sont les paradis fiscaux. Bon, la réponse est en partie donnée, on n'y arrive pas. Mais moi, je voudrais poser la question autrement. C'est-à-dire comment coincer les paradis fiscaux? Donc, d'après ce que j'ai entendu, il y avait l'échange automatique de données. Mais est-ce qu'il y a d'autres moyens que celui-ci, puisqu'il est en partie opaque, hein? Et effectivement, quels sont les moyens que les États de droit se donnent pour entraver précisément le fonctionnement des paradis fiscaux, voire essayer de les neutraliser? Ça m'intéresse pas beaucoup de le faire. Non, mais on est d'accord. Mais là, c'est bon, une fois qu'on a dit ça, il y a des économistes qui planchent là-dessus, ça m'intéresse de savoir, d'un point de vue technique, on va dire, et politique, il y a des gens à gauche qui réfléchissent là-dessus. Ils ne sont pas forcément au pouvoir. La droite aussi, mais pour contourner. Alors, je commencerai par la dernière question. Comment contraindre les paradis fiscaux? Le problème, c'est qu'on ne peut pas poser cette question ainsi, si vous me permettez, madame, dans la mesure où les États n'ont pas forcément envie aujourd'hui de contraindre les paradis fiscaux. C'est-à-dire que, n'oubliez pas, la France abrite sur son propre territoire des paradis fiscaux. Monaco relève de la souveraineté française. Vous avez un État qui est le principal paradis fiscal au monde, c'est le Royaume-Uni avec la place londonienne. C'est Londres, du moins le Royaume-Uni plus exactement, est le pays qui a le plus freiné et limité les accords de coopération en matière fiscale et bancaire, tout simplement parce que Londres est la principale place financière au monde et le principal paradis fiscal. Donc voilà, comment contraindre les paradis fiscaux? C'est une, si vous me permettez, hein, ce n'est pas une remise en cause, mais la question n'est pas opératoire dans la mesure où une partie des États ont des intérêts directs. Et il faut avoir conscience qu'une partie des paradis fiscaux se sont développés parce que de grands États, quand je dis grands, historiquement parlant, etc., avaient besoin de se placer dans la concurrence fiscale et bancaire qui s'est développée à partir des années 80 et qui s'est surtout affirmée à partir des années 90. Le Royaume-Uni avec Londres, Jersey, l'île de Man, etc. L'Italie avec San Marin, ne parlons pas du Vatican, sur lesquels on pourrait dire plein de choses. Une partie des paradis fiscaux se sont développés parce que de grands États, économiquement parlant, historiquement parlant, avaient intérêt à développer sur leur propre territoire ou en périphérie de leur territoire, d'un point de vue juridique, des paradis fiscaux. Ensuite, moi, ce qui m'intéresse, c'est la réflexion alternative. On est bien d'accord de ça. Mais il y a des gens qui réfléchissent et qui ont peut-être des moyens et qui ne sont pas les gens au pouvoir. C'est ça qui m'intéresse de savoir. Alors, ils n'ont pas toujours de constater... Pendant que nous, on réfléchit, les paradis fiscaux réfléchissent aussi, par exemple. Ce qu'a fait la Suisse depuis 2008, c'est... Alors, aujourd'hui, pour vous, pour moi, ce n'est pas intéressant de s'exiler fiscalement en Suisse. Tout simplement parce qu'il y a le transfert automatique de données et, en définitive, on va être imposé comme si on était en France. Par contre, les clients très très très fortunés pourront continuer de payer des services fiscaux spécifiques en Suisse, des services extrêmement onéreux, parce que depuis 2008, de grandes banques comme UBS, etc., ont transféré une partie de leur clientèle vers des places financières moins contrôlées, comme Hong Kong, et ont transféré également leurs capitaux vers ces places financières qui sont moins contrôlées. Et donc, les détenteurs de gros capitaux peuvent encore bénéficier de services fiscaux et bancaires spécifiques, tout simplement parce qu'ils ont la possibilité de payer des montages extrêmement onéreux. Bon, ensuite, comment faire payer les firmes multinationales? Alors, l'un des projets, et c'est en cours d'élaboration, effectivement, c'est de travailler autour des prix de transfert. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les firmes multinationales ont une multitude, comme l'a rappelé Romain, ont une multitude de filiales. Des filiales pour tout, et parfois même n'importe quoi, c'est-à-dire des filiales pour lesquelles, bon, comme tu l'as expliqué, la firme multinationale, la maison mère, paye des services et les surfacture. C'est-à-dire un service qui va coûter, imaginons, un prix 100 euros, c'est le prix du marché, un service comptable ou autre, la maison mère va faire facturer ce service comptable à sa filiale, installée aux Bahamas ou ailleurs, donc 200, 300, voire 400 euros. Voilà l'enjeu. Donc, les firmes multinationales jouent avec les prix de transfert. Donc, comment lutter contre ce jeu, qui est légal par ailleurs, comment lutter? Eh bien, c'est de faire en sorte de demander à toutes les firmes multinationales, résidentes en France par exemple, de publier tous les services qui ont bénéficié des prix de transfert et à quel prix ces services ont été facturés. Partant de là, Comme on a une idée du prix du marché pour chaque service, service comptabilité, service juridique, service marketing, etc., pour chaque service, on a un prix du marché, globalement, on pourrait confronter le prix du marché au prix facturé par la maison mère à sa filiale, et on verrait si la maison mère a joué sur les prix de transfert. Et là, on pourrait lutter contre ce mécanisme qui permet, en fin de compte, de se soustraire légalement à l'impôt. À partir du moment où le système est légal, qu'est-ce qui pourrait contraindre les sociétaires pour avoir les bonnes informations ? La coopération internationale, c'est-à-dire on pourrait imaginer qu'à l'échelle de l'Union européenne, les 28 États membres décident d'imposer à toutes les firmes multinationales présentes sur leur territoire la publication de leur prix de transfert. Dans la mesure où l'Europe constitue un marché de 500 millions d'habitants à très haut revenu, aucune firme multinationale ne chercherait à partir de l'Union européenne, concrètement. Les États-Unis ont été à la pointe du bras de fer avec les paradis fiscaux. N'oubliez pas que les États-Unis, dès 2008, ont ferraillé avec la Suisse en imposant à la Suisse la coopération fiscale que la Suisse refusait à tous les autres États de la planète. Les États-Unis ont été très clairs. Si la Suisse refuse de coopérer avec nous en matière fiscale, si la Suisse ne nous communique pas l'identité de tous les détenteurs de comptes d'origine américaine en Suisse, nous supprimons les licences des banques HSBC aux États-Unis. Donc HSBC perdait l'un de ses plus gros marchés. Qu'a fait la Suisse ? Elle a coopéré. Voilà. C'est une question de rapport de force et une question de souveraineté. À partir du moment où des États ont la volonté politique de tenir un rapport de force, seul ou à plusieurs, et de construire ce rapport de force, le rapport de force n'est pas spontanément. Il se construit, les Américains l'ont très bien montré, ils étaient confrontés à une Suisse qui pratiquait le secret fiscal. Les Américains ont dit très bien, vous pratiquez le secret fiscal, on retire la licence d'exploitation de des filiales de HSBC aux États-Unis. La Suisse a dit, bon, ben, très bien, on va coopérer. Voilà. Donc un rapport de force, ça se construit, mais derrière cela, il faut une volonté politique. Voilà. Si je peux me permettre, on n'a pas répondu à la deuxième question, qui était la question de « mais à quoi sert le bénéfice ?» Qu'est-ce qu'il veut répondre ? Moi, je ne sais pas trop ce que ça devient. C'est un lieu de passage, quoi, en gros, mais peut-être que Fabrizio a... Mais, moi, je voulais réagir sur la première question. Non, juste un peu. Bien, un peu de suspense avant donc de répondre à cette question. Que devient l'argent qui rentre dans les paradis fiscaux ? Je voulais juste, pour répondre à madame un petit peu sur qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se passe, sur la société civile, par exemple, et les ONG comme le CFD, qui se bat à la base d'une plateforme qui regroupe différentes ONG françaises, des syndicats, et puis en gros c'est tout pour les types d'institutions qui... Et ce sont des plateformes qui sont regroupées entre elles au niveau européen, qui sont... Il faut quand même bien dire, si tout ça sort un petit peu de l'ombre depuis quelques années, c'est de l'effort de Repenti, entre autres. Il y a l'excellent travail de certains journalistes, on a quelques bouquins là, et puis de l'autre côté, il y a plein d'informations là-dessus. Et le travail des ONG comme le CCFD, ça a été ces derniers temps d'aller rencontrer les élus et leur dire, bah oui, disons, les caisses sont vides, hein, tout le monde est d'accord avec ça, tout le monde est d'accord avec les caisses sont vides, sauf que personne ne regarde dans les bonnes caisses, en gros, quoi. Et donc le CCFD, il essaye avec d'autres organisations de faire regarder, parce que finalement, on a l'impression que nos hommes politiques, à les écouter s'exprimer dans les médias, savent tout. J'ai toujours du mal à comprendre pourquoi un président est amené à répondre à toutes les questions qu'on lui pose sur tout un tas de domaines. Je trouve ça assez incroyable. Et en fait, beaucoup d'hommes politiques, quand ils nous reçoivent dans leur cabinet, ne savent pas vraiment exactement. Il y a ceux qui sont spécialisés, qui vont dans les commissions au niveau national, mais il y en a un bon paquet d'autres, ils sont un peu floutés. Et du coup... Ça me fait penser à, dans un autre milieu, agriculture, Marc Dufumier, qui est un agronome assez reconnu, qui milite un peu tendance verte, on va dire, et qui se rendait dans le bureau du ministère du développement durable de Borloo à l'époque, et qui disait je suis passé par la salle d'attente, j'attendais. Puis j'ai eu mon rendez-vous avec Borloo, hein, j'étais content, il m'a écouté, il m'a tout ça. C'était très bien, on a passé 1h30 ensemble, j'ai pu lui donner mes idées, etc., qui sont évidemment un peu en opposition quoi, à ce que défendait le gouvernement à l'époque. Et puis il ressort, il repasse par la même salle d'attente. Et là, il y avait quelqu'un dans la salle d'attente qui était là, et il l'a reconnu tout de suite, c'est un acteur, un mec qui est payé par des entreprises multinationales de l'agro-industrie, et qui était là et qui prenait sa place juste après, qui avait un rendez-vous certainement équivalent d'une heure et demie ou autre. Tout ça pour dire quoi? Que si nous on n'occupe pas le terrain en tant que force d'opposition, si je peux nous mettre dans ce groupe-là, en tout cas curieux, et bien c'est les autres qui occupent le terrain. Si on ne vient pas embêter aussi un peu nos élus, si on ne vient pas leur donner une information alternative, une autre information, une expertise autre, et bien ils continuent à écouter les sirènes qui les charment depuis tant d'années. Et qui mène tout le monde là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas un politicien qui ne cherche pas des sous. La plupart, en plus, savent un petit peu où ils sont, mais voilà. Et puis, effectivement, je pense que ça concerne une oligarchie que décrit très bien les Pinson Charlot dans leur livre. Voilà, et puis je repasse le micro pour la première question. Alors, que devient l'argent qui entre dans les paradis fiscaux? Alors, une partie de cet argent sert à construire des fortunes. Tout simplement, l'argent s'accumule et l'argent attirant l'argent, il est réinvesti et permet de fabriquer des fortunes. Il suffit de regarder la fortune de Madame Bettencourt. C'est l'un des meilleurs exemples. Hein. Bon. À quoi sert l'argent qui entre dans les paradis fiscaux également? Eh bien, ça sert au financement des compagnies de réassurance. Parce que toutes nos compagnies d'assurance s'assurent elles-mêmes. Et nos compagnies d'assurance qui s'assurent, eh bien, vont s'assurer auprès de compagnies de réassurance. Et ces compagnies de réassurance, où vont-elles décrocher des capitaux? Elles vont les décrocher dans les paradis fiscaux, parce que c'est là où il y a effectivement des capitaux en grosse quantité. À quoi servent les paradis fiscaux? Ça sert également à faire des levées de fonds. Lorsque vous avez un projet immobilier très important à réaliser à Dubaï ou à Moscou, les levées de fonds vont se faire en partie en mobilisant des capitaux localisés dans les paradis fiscaux. Donc on voit bien que les paradis fiscaux servent à des opérations parfois illégales, mais les paradis fiscaux permettent également le bon fonctionnement d'une économie mondialisée, quelle que soit l'opinion que l'on peut porter sur l'économie mondialisée. Mais cette économie mondialisée fonctionne, entre autres, grâce aux capitaux qui viennent se stocker dans les paradis fiscaux. Il y avait une question au fond, madame, au dernier rang. Les produits des échanges financiers. Où est-ce qu'on en est dans cette taxe, madame? Non, je ne prends pas cette question. Attaque! Il faut demander à l'attaque. Ah ben voilà. Alors en ce moment, il y avait des négociations qui devaient avoir lieu au sein de l'Union européenne. Et le pays qui traite le plus pour faire ses taxes publiques, devinez lequel, c'est la France. Le gouvernement socialiste, en particulier le ministre de l'économie, M. Moscovici, qui prennent des têtes faire pour réaliser qu'une taxe qui soit imposée au niveau de l'Union européenne sur les transactions financières, ceci sous la pression permanente du système bancaire français. Voilà. Donc, les Allemands sont beaucoup plus à la pointe sur ces taxes de transactions financières que la France actuellement. Monsieur Devant. Je voulais juste dire, en fait, il y a une partie de l'argent qui est perçue dans ces paradis fiscaux qui sert à la recherche et à développer aussi des entreprises dans des pays sous-développés où le coût du travail est très faible. Donc en fait, on transfère une partie de la recherche vers l'Occident, des pays du Sud, mais on donne du travail aussi, on fait travailler aussi les gens dans le Sud, et c'est donnant-donnant, mais bon, c'est vrai qu'ils y perdent sur l'argent parce qu'en fait, ils y gagnent, si vous voulez, en petit peu en confort, ils ont des petites choses supplémentaires qu'ils n'auraient pas. Parce qu'ils vivent dans des. C'est aussi ce qu'on a fait au XVIIe siècle, on a ramené tout le monde des campagnes, pas 19e, et puis on a fait des villes où on a beaucoup plus de facilité à vivre. Mais par contre, d'un point de vue financier, on a bien vu qu'ils ne gagnent rien en fait. Et donc ils n'ont pas la possibilité d'aller plus loin dans le développement économique comme on l'a fait en Europe. Merci. Non, je pense que ça fait une bonne réponse. D'accord. Est-ce que vous pouvez expliquer comment s'est montée cette campagne d'affichage qui est là, donc un paradis fiscal, c'est autant d'exploitation agricole que les pays pauvres en Europe. Est-ce que vous pouvez nous donner des informations là-dessus? Je vous parle de cette campagne, c'est ça? Oui, sur ouais. Le... Ouais. C'est une, c'était une manière de, d'illustrer... je vais peut-être lire la phrase qui est en dessous, parce que je ne sais pas si tout le monde la voit bien. Et dont l'argent acquitté des paradis fiscaux, chaque année, 125 milliards d'euros sont détournés des caisses publiques des pays pauvres vers les paradis fiscaux. 125 milliards qui ne serviront pas à construire des écoles, des fermes agricoles et des hôpitaux, qui ne serviront pas à construire, ouais, voilà, pour les, voilà, alors, qui ne serviront pas à construire des écoles pour les 115 millions d'enfants dans le monde qui ne sont pas scolarisés, qui ne serviront pas à nourrir le milliard de personnes dans le monde qui souffrent de la faim, et puis pour les hôpitaux, ben, c'est à peu près le même type de truc. 968 millions de personnes dans le monde qui n'auront pas accès aux soins de base. Voilà. Donc du coup, on est une association qui essaie de faire donner de la voix aux acteurs du Sud. C'était une manière pour nous de retranscrire ça sous forme de voilà sous forme de jolies images. Et comme je le disais tout à l'heure, on est rattaché à des plateformes européennes et internationales, bah, dont Intel fait partie entre autres. Et du coup, toute l'expertise, on la tire justement des pays du Sud. Et c'était vraiment je veux dire. Prenons un exemple tout bête, quoi. Il y a plein de gens qui migrent aujourd'hui de manière forcée. S'ils vivaient dans leur pays dans des conditions plus ou moins décentes, je pense qu'il y aurait moins de gens qui migreraient de manière forcée. Et je pense que là, du coup, il y aura un vrai bonheur, entre guillemets, brut à mesurer, quoi. Là, je pense qu'il est assez illusoire. Votre question, c'est comment on a monté cette campagne ? En faisant appel à une agence de pub. Je vous fais mettre gentiment le doigt sur une de nos contradictions, c'est que on a signé, mais je crois que c'est la dernière fois qu'on a fait une campagne avec eux, parce que c'est quand même les grosses boîtes qui trouvent des bonnes idées parfois. Et là, on a bossé avec eux. Alors, je crois qu'elle appartient à un grand groupe, mais c'est Euro SCSG quand même. Ça appartient à un grand groupe de com, je ne sais plus lequel, mais... Avas, voilà, c'est ça. Qui est bien connu aussi dans le monde des paradis fiscaux. Donc c'est rigolo qu'ils aient accepté de... C'est rigolo qu'ils aient accepté de faire ce... Ça fait partie des grandes contradictions. Alors, je sais qu'aujourd'hui, on a changé de directeur de com. On a quelqu'un qui est un peu plus... qui va aller chercher dans des boîtes... pour une communication... C'était ça le fond de la question ? C'était exactement ça ? Merci. Mais voilà, je peux vous dire aussi, le CCFD balance des fonds un peu partout dans des ONG du Sud. Notre banque principale, je vais le dire, soyons clairs jusqu'au bout, quoi. Notre banque principale au CCFD, c'est BNP Paribas. Mais ouais, mais pour une chose très simple, c'est comme ça. Enfin, je veux dire, le monde est plein de contradictions. Hein. Si je regarde tous vos vêtements, là, celui qui va être écolo à fond, il n'y arrivera pas avec moi. Hein. Je vais le débusquer. Regardez, on soutient des partenaires en Birmanie. En Birmanie, je ne sais pas si vous le savez, mais il se passe tellement des trucs d'horreur qu'il n'y a même pas de statistiques nationales officielles pour le montrer. Et le seul moyen qu'on a pour faire acheminer de l'argent dans des pays comme ça, c'est de passer par des banques qui sont présentes partout au niveau international. Et BNP Paribas en fait partie, en fait. Donc on passe par eux, mais ça n'empêche pas que, alors je vais utiliser une autre image aussi, ça n'empêche pas que la seule personne en France qui est payée pour lutter activement contre les paradis fiscaux, elle travaille dans notre boîte, c'est des spécialistes des paradis fiscaux. Elle a fait tout un tas d'interviews là, depuis quelques années, Mathilde Dupré. Et bien, elle. Pourquoi je parle d'elle ? Oui, oui, pour les contradictions internes. Oui, c'est elle qui nous disait ça. Voilà. Notre banque principale, c'est la BNP Paribas. Mais ça n'empêche pas que, aujourd'hui, BNP Paribas a fait beaucoup d'efforts. Ils ont évincé quelques. mais ils ont évincé quelques-uns de leurs paradis fiscaux. On a fait une grosse campagne de sensibilisation auprès des salariés de BNP Paribas, évidemment, de leurs chefs. Les chefs, ils écoutent d'une oreille et puis ils font une chose de l'autre. Hein. Voilà, c'est chacun dans son rôle, quoi. Mais voilà, en termes de contradictions, je pense qu'on n'est pas les seuls à avoir des contradictions comme ça, mais ça ne me dérange pas d'en parler en public. Voilà. Alors, l'heure tourne. Alors, on est là justement pour débattre, donc c'est bien qu'il y ait des contradictions aussi qui apparaissent, ça donne de la teneur au débat. Ce que je vous propose, comme l'heure tourne, c'est qu'on prenne un dernier tour de questions. Hein, qu'on prenne il y avait des mains encore qui se levaient, on prend un dernier tour de 3-4 questions, on y répond, puis ensuite on prolongera le débat de façon plus informelle autour d'une collation qui vous sera proposée dans la salle derrière. Alors, il y avait une main qui s'est élevée dans les premiers rangs. Ah non, bah alors, Pierre. Et puis ensuite... C'est une question, je ne sais pas très comment la formuler d'ailleurs. Alors, on parlait du problème de la souveraineté des États par rapport aux firmes multinationales donc, qui utilisent tous ces procédés. Là, on est en train de mettre en place une transaction transatlantique avec les USA. Et dans cette transatlantique, on aurait comme élément que les firmes multinationales pourraient attaquer les États sur, par exemple, dans la mesure où ces États ne leur permettraient pas de faire leur travail, par exemple, pour les États-Unis, etc. Ces firmes multinationales sont principalement américaines et le problème s'est posé au Canada. Alors, dans ce cadre-là, comment les États peuvent défendre leur souveraineté sans ne pas dans le genre dans ce type d'accord, avec l'idée en plus que ces firmes multinationales, utilisant les paradis fiscaux, elles ont tout loisir, grâce à ces nouvelles mesures, si jamais elles sont adoptées, de faire pression sur les États pour leur faire accepter n'importe quelle mesure fiscale. Alors comment peut-on gérer ces contradictions? Ça me semble un peu quelque chose de très problématique pour l'avenir. Où est la souveraineté des États par rapport à ce genre d'accord? Même si par ailleurs, c'est des entreprises nationales. Notamment pour les semences. Alors je vous propose qu'on prenne une deuxième question. Est-ce que c'est la défavorisation de l'impôt sur le mouvement? Est-ce que c'est pas dû notamment aux politiques fiscales qui ont été menées par les différents États européens? C'est-à-dire que, par exemple, on n'arrive pas à faire en France une réforme fiscale, notre impôt en majorité c'est la TVA. Vous voyez, ces codes-là, pourquoi ça ne se fait pas? C'est aussi parce qu'on a des politiques fiscales qui sont désastreuses, je dirais. On a creusé des déficits, que ce soit la droite ou la gauche. On a des politiques fiscales qui sont achetées aussi. Est-ce qu'il y aura encore des gens qui n'ont pas pris la parole et qui auraient souhaité poser une question, ou est-ce qu'on clôt le dernier tour de questions? Non? Alors je laisse les intervenants répondre. Concernant les impôts, c'est-à-dire la pratique qui consiste depuis maintenant une vingtaine d'années à réduire le taux d'imposition sur les sociétés, considérant qu'il faut redonner de la compétitivité aux sociétés, pour le faire passer socialement, pour le faire passer dans l'opinion publique, ce discours et cette pratique est allée de pair avec un discours et une pratique qui consiste également à dire que la pression fiscale sur les ménages est trop élevée et qu'il faut la réduire. C'est-à-dire que les deux sont allés de pair. Mais dans les faits, on se rend compte que la pression fiscale sur les entreprises a beaucoup plus baissé que la pression fiscale sur les ménages. Le problème, c'est que si on prend le cas de la France, le consensus Autour de l'impôt, il y a une série d'études qui ont été menées récemment. Le consensus concernant l'impôt s'est considérablement réduit. Il s'est considérablement réduit et surtout, de moins en moins d'entre nous faisons le lien entre levée fiscale et financement de services publics. Et là, c'est un vrai problème parce que rares sont nos élus, que ce soit au niveau local ou au niveau national, qui nous expliquent qu'une pression fiscale est nécessaire pour financer des services publics. Et donc on a perdu ce lien logique qui a été construit, qui n'est pas naturel, qui a été construit au travers de la construction de l'État républicain. Concernant cette question, qui d'entre vous serait d'accord pour avoir un taux d'imposition de 46 à 48%? Taux marginal. Mais c'est le taux marginal qui est pratiqué au Danemark, et dans ce pays, il y a un fort consensus autour de l'impôt, même si le taux d'imposition est très élevé, parce que les pouvoirs publics ont été capables de construire un discours expliquant que on a un taux d'imposition élevé, mais en même temps, on a, entre guillemets, un retour sur investissement élevé en termes de services publics efficaces, etc. Donc voilà, il y a 60% en France en 1980. Oui, aux États-Unis, on était à 80% dans les années 30, hein, sans difficulté. Et les entreprises émargeaient à 80% sans se poser de problème. Voilà, c'était comme ça, il n'y avait pas à faire autrement. Et ce qui est très intéressant, c'est que si on regarde dans le long terme, c'est ce discours qui consiste à délégitimer l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur les ménages, considérant qu'en définitive, l'État prélève indûment de l'argent sur les entreprises ou les particuliers. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir récemment que le Conseil constitutionnel est en train de valider juridiquement parlant le fait qu'il existe un taux de prélèvement confiscatoire. Les membres du Conseil constitutionnel oubliant qu'effectivement, dans les années 30 aux États-Unis, on y avait un taux d'imposition à 80%, et en France, on était monté jusqu'à plus de 60% dans les années 70. Bon voilà, c'était une réalité. Donc, Romain, vous l'avez dit un mot. Ouais, c'était vraiment un tout petit mot sur la souveraineté nationale des pays. Effectivement, je pense que dans toutes les galères qu'on traverse en ce moment, il peut être très opportun de retrouver une souveraineté nationale. Et ça me faisait penser justement au bouquin des Pinceaux Charlot sur l'analyse en termes de classe. Vous savez qu'ils ont une vision marxiste un peu des choses. Moi, je trouve qu'ils ont raison dans le sens où il y a une classe dirigeante en ce moment qui est très solidaire entre elles. Il y a une classe qui est très solidaire entre elles, c'est la classe dirigeante. Et c'est une minorité. Je crois ne pas me tromper en disant que nous faisons partie de l'autre classe et que nous ne sommes pas encore suffisamment solidaires entre nous. Il y aura certainement des batailles à gagner. Elles commencent, comme vous disiez tout à l'heure, à balayer devant chez nous. Il y a tout un tas de contradictions à régler au sein des assos, mais dans les assos entre elles, et de faire face ensemble en oubliant un petit peu de temps en temps des choses qui créent une identité qui était vraiment la nôtre et qu'on veut absolument pas partager avec les autres. Je vous parle de ça, en plus j'appartiens à une ONG catho, donc vous pouvez pas imaginer, quand on représente une ONG de catho de gauche, entre guillemets, tout ce qu'on peut se prendre dans la poire, manière relativement gratuite la plupart du temps en plus. Donc à l'image de ce qu'on vit nous dans notre asso, je lance un appel au ménage, voilà, au grand ménage. Voilà. Alors peut-être la question sur le traité transatlantique, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se lance pour répondre En théorie je devrais, mais... Volontiers. Alors actuellement, il est en train de se négocier depuis quelques mois, depuis novembre, entre l'Union européenne, la Commission qui a eu cette délégation de la part de l'Union européenne, entre l'Union européenne et les États-Unis, un traité soi-disant de libre-échange, mais en fait ce traité vise à harmoniser les normes qui s'imposent aux entreprises américaines ou européennes, les normes concernant le domaine sanitaire, le domaine environnemental, le domaine social. En fait, il s'agit pour ces entreprises d'avoir les mêmes règles, aussi bien sur le sol américain que sur le sol européen. Le problème, c'est que si les Américains veulent nous imposer leurs normes en matière de viande, par exemple la viande aux hormones qui est suite aux États-Unis, et qui est interdite en Europe pour des raisons sanitaires, on va pas être très content. C'est négocié dans le secret, personne n'est au courant actuellement. Pareil pour tous les clubs au chlore, pareil pour les OGM. Les OGM sont totalement autorisés aux États-Unis, ils sont pour certains d'entre eux interdits dans l'Union européenne. Et donc là, c'est des sujets conflictuels qui pour l'instant sont négociés et ne sont pas. Les citoyens français et européens ne sont pas pleinement informés de ces négociations. C'est des négociations secrètes. Que l'on fait en notre nom. Et enfin, il y a surtout une chose très très importante qui est, à mon sens, une menace sur le fonctionnement démocratique de l'Union européenne, c'est l'installation de tribunaux d'arbitrage qui consiste à donner la possibilité pour des entreprises multinationales d'intenter des procès à des États qui produiraient des législations qui iraient à l'encontre de leurs intérêts. Exemple, si c'est d'ailleurs arrivé en France, le Conseil d'État a donné tort à l'entreprise, l'État français a suspendu l'extraction de gaz de schiste vis-à-vis d'une firme américaine. Cette firme américaine a porté plainte et a demandé des indemnités à l'État français à hauteur des bénéfices perdus, non seulement pour la période actuelle, mais pour la période future, en estimant que les bénéfices perdus seraient de 30 milliards. Cette entreprise a demandé donc 30 milliards d'indemnités à l'État français. Eh bien, les tribunaux arbitraux auraient la possibilité de forcer les États à payer ce montant d'indemnités, sachant que ces tribunaux ne respecteraient que le contenu des traités et non pas les lois qui seraient produites par les États pour des raisons X ou Y, disons pour des raisons démocratiques, à savoir parce que le peuple souverain, par le biais de leurs députés, aurait décidé que telle ou telle chose est interdite. Ces traités disent, à partir du moment où le traité a signé, on a imposé telle ou telle norme, si un État allait à l'encontre de ces normes, eh bien, les entreprises seraient dans le droit d'obtenir des indemnités vis-à-vis des États. C'est donc particulièrement scandaleux. Voilà, c'est une horreur. Et ce que je vous dis n'est pas de la fiction. Ça existe déjà dans certains traités commerciaux qui ont été signés entre les États-Unis, le Canada et le Mexique, l'accord ARENA, et d'autres traités bilatéraux unissant les États-Unis et les pays d'Amérique latine. Et vous avez déjà des États qui portent plainte, enfin des entreprises qui portent plainte et qui obtiennent via ces tribunaux des indemnités pouvant aller de plusieurs millions à 1 milliard d'euros. Hein. Donc c'est pas des Donc il s'agit de maintenant d'élire non pas des présidents qui ne servent pas à grand chose à pas répondre au lobby qui tient les ficelles derrière, pour leur intérêt. Il s'agirait d'élire dans les Bill Gates, les Steve Forbes, etc. Et les autres. Mais on n'est pas loin, on n'est pas là du tout. Ah, oui, c'est vous avez plein d'exemples dans le petit sachet que je vous délivrerai gratuitement à la sortie de cette salle. Ce que je vous propose, excusez-moi, je suis désolée d'interrompre, mais on doit rendre la salle à 23h et on a un petit peu pour tradition au Café Géographique de terminer par une collation. Alors je vous propose de continuer de façon informelle le débat. Excusez-moi, je voulais juste adresser des remerciements. C'est le dernier Café Géographique de la saison, donc je voulais remercier les intervenants, mais je voulais remercier également les associations qui y organisent. Les étudiants qui se mobilisent toute l'année sur la préparation de la programmation et le déroulement. Donc, notamment Lucas, Charlène, Loïc, Mario, Rémi, Constance. Et également remercier Catherine et Michel pour le soutien de l'Université Populaire, voilà, qui aide à la tenue des Cafés Géo. Je voulais vous rappeler que pour soutenir les Cafés Géo, il y a entre autres la question de l'adhésion à l'Université Populaire de Tours, si ça vous intéresse. Pour les étudiants, il y a le fait de pouvoir s'investir dans l'organisation ou, pour tout le monde, de suggérer, par exemple, des thématiques pour l'année prochaine, parce qu'on va bientôt commencer les réunions pour établir le programme de l'année prochaine. Donc si vous avez des thématiques à nous suggérer, n'hésitez pas. Envoyez-nous des mails. Je voulais vous dire que tout ce qui est dans la salle derrière est à prix libre. Il y a une petite caisse sur la table. C'est aussi une manière de soutenir l'activité. Voilà. Merci à tous.